إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، وهو المجلس الثالث لتتمة ما بدأناه في لقاءات سنتين حول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ووقفنا عند الشبهات التي تمسك بها البغاة والظلم لاستحلال ذم ذو النورين وقتله قاتلهم الله. Donc c'est une autre assise, et c'est la troisième assise pour terminer ce que nous avons commencé durant les rencontres de Saint-Étienne autour de la biographie de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah. Nous sommes arrêtés autour des ambiguïtés auxquelles se sont attachés les rebelles et les injustes pour rendre licite le sang de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et pour le tuer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il le mérite. فمرت معنا الشبهة الأولى ألا وهي أنه آثر إسناد الولايات إلى أقاربه وعزل كبار الصحابة، ورأينا كيف كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكيف كان يستعمل بني أمية لأنهم ساسة وذو شرف، وكيف كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على نهج رسول الله. فهذه شبهة واهية. Et nous avons vu la première ambiguïté qui est comme quoi les rebelles se ont dit qu'ils mettaient sur les provinces et ils donnaient les responsabilités à ses proches, ils mettaient de côté les grands compagnons Ridwanullah alayhim. Nous avons vu que la sunna du messager d'Allah Azza wa Jal concernant ce sujet, et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam employait Banu Umayya qui font partie des proches de Uthman ibn Affan radiyallahu anhum, parce qu'ils étaient des grands politiciens et ils avaient des honneurs, et comment Abu Bakr Siddiq et Omar ridwanullah alayhim étaient sur la même voie concernant Banu Umayya que le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette ambiguïté est une ambiguïté qui ne tient pas debout. والآن مع شبهة أخرى فندها العلماء رحمهم الله تعالى. Et avec une autre ambiguïté que les hommes de science ont anéanti, qu'Allah سبحانه وتعالى les récompense. وهذه الشبهة أنه نسب إليه البغاة أشياء استحدثها وخالف بها من سبقه في زعمهم، كجمعه القرآن في مصحف واحد وإتمامه الصلاة بمنى وزيادة الآذان ثاني يوم الجمعة وغيرها. La deuxième ambiguïté à laquelle se sont attachés ces rebelles, ils ont dit qu'ils ont innové des actes et des actes qui sont en divergence avec ceux qui le ont devancé. Les rebelles prétendent ceci, comme le fait, ils lui reprochent le fait d'avoir réuni les gens sur un seul Coran, le fait d'avoir complété la prière à Minan pendant la période du Hajj, au lieu de prier Dorkaz, il a prié 4 et 4. Et le fait d'avoir rajouté le deuxième Adhan pour le jour du Jumu'ah et autres. Yaqulu Ahlul Ilm, Famma Ihraquhu Al-Masahif وجمع الناس على مصحف واحد، فالعلماء العارفون بمناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يعتبرون هذا منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه حسم الخلاف بين المسلمين، وحسم مادة الخلاف بين المسلمين، وجمعهم على مصحف واحد. كونتا و الامبيغويتي auquel s'étaient attachés les rebelles, qu'il a détruit, il a brûlé les autres Coran, il a réuni les gens sur un seul Coran, c'est que les hommes de science considèrent ceci comme une noble, une vertu très noble de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, car il a anéanti le sujet de la divergence entre les musulmans concernant le Coran. Il les a réunis sur un seul recueil, sur un seul mushaf. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه العواصم: واما جمع القران فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى وحسم ماده الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يدي حسب ما بيناه في كتب القرآن وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. ابن العربي le grand imam مالكي il dit dans son livre العواصم quant au fait que Uthman ibn Affan a réuni le Coran, ceci c'est la plus grande et la plus géante de ses hasanat, c'est la plus grande de ses vertus, car il a anéanté la divergence, et avec son acte s'est accomplie la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger le Coran, comme nous l'avons montré dans le livre du Coran et autres. Et ici s'arrêtent les paroles de Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Wa ja'a 'inda Ibn 'Asakir fi tarikh Dimashq أن أبو هريرة دخل على عثمان بعد نسخ المصاحف فقال له: أصبت ووفقت. Et il est rapporté par Ibn Asakir dans l'histoire de Damas qu'Abu Huraira est rentré chez Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه وارضاه après avoir abrogé les autres mushaf. Il lui a dit: tu as été dans le mille et tu as été accompli من الله عز وجل en ayant réuni les gens sur un seul Coran. وأما إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى فهو أمر ثابت أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم تمها. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Quant au fait d'avoir complété, d'avoir fait la prière complètement durant la période de Minan, pendant le Hajj, ceci est confirmé. Il a été rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim de la voix d'Ibn Omar, radiyallahu anhu majma'in. Il a dit, Abdullah ibn Omar a dit: j'ai prié derrière le prophète, alayhi salatu salam, à Minan, il a prié d'Orqa'at. J'ai prié derrière Abu Bakr et Omar, il a prié d'Orqa'at. Et une période de la Imara, de la Khilafa de Uthman ibn Affan, il a prié d'Orqa'at et après il a complété. ويجيب عثمان رضي الله عن ذلك: ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأقمت لهذين الأمرين الإقامة واتخاذ الأهل. Et عثمان بن عفان de répondre lui-même pour le fait d'avoir complété les prières pendant la période de Minan, il a dit: je suis rentré dans un pays où il y a ma famille et je suis resté au milieu de la famille, c'est-à-dire j'étais résident et au milieu des miens, c'est pour ça que j'ai complété. ونقل الحافظ ابن حجر عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب عثمان أن يعلمهم أن الصلاة أربع. رواه ابن حجر في الفتح. Ibn Hajar de nous rapporter le rapportant du Zuhri, le grand imam tabi'i, il a dit: certes, Uthman ibn Affan a prié 4 rak'at, car les Bédouins étaient nombreux durant cette année-là au pèlerinage, et Uthman a voulu, a préféré leur montrer que la prière est de 4 rak'at. وأما قولهم أنه زاد الآذان ثاني يوم الجمعة وهو بدعة، فيجاب على ذلك بأن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Quand ils disent que Uthman ibn Affan a rajouté le deuxième adhan le jour du vendredi, que c'est une innovation, les hommes de science leur répondent que ça, c'est la sunna, la voix des khalifs bien guidés, et ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وروى الإمام البخاري من طريق السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه زاد الآذان الثاني في خلافته لما كثر الناس بالمدينة. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. L'imam al-Bukhari nous rapporte de la voix de Sa'ib ibn Yazid que Uthman ibn Affan a rajouté le deuxième adhan de l'Jumu'ah durant sa khilafah parce que les gens Médine étaient trop peuplés, il y avait trop de gens qui habitaient Médine. Ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayat ibn Majah wa an-Nasa'i fa ana adhana biz-Zawra دار بالسوق قبل خروجي ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. رواه ابن ماجه والنسائي والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على النسائي وعلى ابن ماجه. Et dans la version de Ibn Majah et de Nasa'i, le hadith est authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayhi dans Ibn Majah et dans Nasa'i que il a donné l'ordre que Uthman ibn Affan a fait l'adhan al-Zawra, qui est une maison qui se trouve au marché, avant de sortir de sa maison, pour que dire aux gens que c'est l'heure d'Yal Jumu'ah, que l'heure d'Yal Jumu'ah est arrivée. فعلم بذلك أن المصلحة اقتضت زيادة الآذان الثاني ليعم الإخبار نظرا لاتساع المدينة وكثرة من فيها، وإلا لو كان الأمر خلاف السنة لأنكر عليه كبار الصحابة وهم موجودون في المدينة. Et partant de là, on sait que l'intérêt était dans le fait et que la communauté avait besoin de ce deuxième adhan pour annoncer aux gens. Parce que Médine était trop grande, très vaste à l'époque de Uthman, et les gens étaient nombreux. Et si ceci, c'est le fait d'avoir rajouté le deuxième adhan avant la prière d'El Jumu'ah était contraire à la Sunna, les grands compagnons de Mohammed alayhi salam qui étaient vivants auraient parlé à Uthman ibn Affan alors qu'ils étaient nombreux à Médine. Et pour ce qui est de notre époque, Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala a répondu comme quoi que maintenant le deuxième adhan n'a pas à avoir lieu. Pourquoi? Tout simplement parce que avec les haut-parleurs et avec les voix qui sont portées par les haut-parleurs et par les techniques modernes, les gens savent que c'est le jour d'El Jumu'ah. De surcroît que certains autres hommes de science disent que l'adhan, comme il se fait au Maroc, etc., il se fait une fois que l'imam il est sur le manbar. Donc ils font trois adhan. Et c'est contraire à la sunna de Uthman ibn Affan. Le adhan de Uthman ibn Affan se faisait avant que l'imam n'arrive à la mosquée, pour que les gens puissent comprendre que c'est le jour du Jumu'ah, pour qu'ils aillent prendre leur douche et se laver pour arriver à le Jumu'ah. Donc il y a une énorme différence entre ce qui passe aujourd'hui dans certains pays comme le Maroc et ce qui se passait à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda. وجاء عند ابن تيمية في المنهاج أن علي رضي الله عنه لم يأمر بإزالة هذا الآذان لما صار خليفة على أن ما فعله عثمان من النذاء الثاني اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر رضي الله عنه من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi de nous rapporter dans le minhaj que Ali radiyallahu anhu arda, quand il a pris le khilafa, il n'a pas enlevé le deuxième adhan qui se faisait à l'époque de Uthman ibn Affan avant l'entrée de l'imam à la mosquée. Cela prouve que cet imam, que cet adhan, il y a eu l'unanimité chez les gens de toutes les écoles de jurisprudence et autres hommes de science, comme ils avaient l'unanimité sur la voie qu'a ouvert Omar ibn al-Khattab quand il a réuni les gens pendant le mois de Ramadan pour salat tarawih sur un seul imam. كذلك من الأمور أطرد على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في حياته الشخصية. Et on s'est opposé à Othman ibn Affan et on a soulevé des ambiguïtés autour de ses positions personnelles. مثل تغيبه يوم بدر وفراره في أحد وعدم شهوده بيعة الرضوان. On lui reproche, les rebelles lui reprochaient son absence durant la bataille de Badr et le fait qu'il s'est sauvé pendant la bataille de Uhud et le fait qu'il n'était pas présent pendant l'allégeance de l'agrément qui s'est passé sous l'arbre pendant le sulh d'Al-Hudaybiyah. ورد على هذه الاعتراضات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في نص صحيح رواه الامام البخاري من طريق عثمان بن موهب. qu'on reproche à Uthman ibn Affan, عبد الله بن عمر le grand et le noble compagnon رضي الله عنه وارضاه a répliqué dans un texte authentique rapporté par l'imam البخاري رحمه الله de la voix de عثمان بن موهب. قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب غيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الرجل الله أكبر. عثمان بن موهب de nous dire qu'un homme est venu des gens de Mesr. Regardez, toujours l'Égypte et les perturbations viennent toujours d'Égypte jusqu'à nos jours. Un homme est venu d'Égypte, il a fait son pèlerinage et il a vu que les gens étaient assis autour d'un homme. Il a dit qui sont ceux-là? On lui a dit ce sont Quraysh. Il a dit c'est qui l'homme qui parle, le cheikh qui parle au milieu d'eux? On lui a dit ça c'est Abdullah ibn Omar. Il a dit Ibn Omar, je vais te poser quelque chose, réponds-moi. Est-ce que tu sais que Uthman ibn Affan s'est sauvé le jour de Hud? Abdullah ibn Omar lui a dit oui. Et il lui a dit, est-ce que tu sais que Uthman ibn Affan était absent pendant la bataille de Badr? Et qu'il n'a pas assisté à la bataille de Badr? Il lui a dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda était absent de l'allégeance de Ridwan, l'allégeance de l'agrément, c'est-à-dire pendant le jour de l'Hudaybiyah? Abdullah ibn Omar lui a dit oui. L'homme, il était content, il a dit Allahu Akbar, comme s'il est tombé sur ce qu'il voulait, parce qu'il avait déjà, on lui a déjà inculqué des choses dans sa tête autour de Uthman ibn Affan, et donc il voulait une confirmation. Écoutez maintenant le noble compagnon comment il va le remettre à sa place, lui remettre les pendules à l'heure. قال ابن عمر رضي الله عنه تعال أبين لك. Abdullah ibn Omar, quand il a vu comment l'homme était réjoui parce qu'il a entendu, il lui a dit viens, je vais t'éclairer, viens, je vais te montrer la situation comment il était réellement. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له يشير إلى قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. كنت aujourd'hui il s'est sauvé pendant la bataille de Hud, j'atteste que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il fait allusion au verset qui dit « Quant à ceux qui se sont sauvés le jour où les deux groupes se sont rencontrés, dire pendant la guerre, Shaitan les a fait glisser par certaines choses qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Allah, il est clément, il est pardonneur. » وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. Et quand, à son absence durant la bataille de Badr, il était marié avec la fille du prophète alayhi salatu wasalam, il était gravement malade. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman de rester, lui a ordonné de rester avec sa femme et d'être à ses côtés. Il lui a dit, tu as la récompense d'un homme parmi ceux qui ont assisté à Badr et tu as la part du butin comme tout un chacun qui a assisté à Badr. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعته مكانه فبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب به بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. Et quant au fait que tu dis qu'il s'est absenté pendant l'allégeance de l'agrément le jour de l'Hudaybiyah, du pacte de l'Hudaybiyah, si parmi les compagnons il y avait quelqu'un qui avait plus d'honneur et plus renforcé à la Mecque que Uthman radiyallahu anhu wa arda, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait envoyé à sa place. Mais il a envoyé Uthman comme messager et comme porte-parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé. Et comme s'est propagé qu'on a assassiné Uthman ibn Affan, il y a eu l'allégeance, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour l'allégeance de l'agrément. Et Uthman était à la Mecque et on propage qu'il était assassiné. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main droite, il a dit ça, c'est la main de Uthman. C'est-à-dire, quel honneur que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait avec sa main droite l'allégeance pour Uthman ibn Affan. Il a posé sa main droite sur sa main gauche, il a dit ça, c'est la main de Uthman ibn Affan. Et celle-là, cette main, c'est pour Uthman ibn Affan qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et une fois que Abdullah ibn Omar a cité à cet homme ceci, il lui a dit, vas-y maintenant, c'est-à-dire propage, c'est-à-dire prends ça. ومع أن البغاة تشبتوا بهذه الشبهات وجاءوا من كل مكان وحاصروا أمير المؤمنين في داره بالمدينة وطلبوا منه أن يخلع نفسه من الخلافة أو القتل. Alors que les rebelles se sont accrochés à cette toile d'araignée d'ambiguïté et les injustes se sont accrochés à cette toile d'araignée parmi le bourrat, ils sont venus de partout, d'Égypte, de Bagdad, de partout, ils ont encerclé la maison à midi, la maison de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Ils ont osé, ils ont eu l'audace de lui donner de délaisser la khilafa ou le tuer. فدخل عبد الله بن عمر على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يدعم موقفه لئلا يتنازل على عن الخلافة ويخلع نفسه تحت ضغط الحصار وذلك مخافة أن يكون أسوة لمن سيأتي بعده كلما كره ناس أميرهم أو إمامهم خلعوه. Au moment où la maison de Omar de Uthman était assiégée, Abdullah ibn Omar est venu le voir pour le réconforter dans sa position, pour réconforter Uthman dans sa position, pour que dire à Uthman ibn Affan qu'il ne doit pas délaisser la khilafa et qu'il ne doit pas, par la pression de ces gens-là, délaisser la khilafa par peur que Uthman ibn Affan devienne un exemple, que chaque fois que les gens détestent leur gouverneur, ils l'enlèvent par des pressions, comme ce que nous voyons, la mauvaise sunna que nous voyons maintenant partout. Regardez Omar ibn Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour réconforter et pour dire à Uthman ibn Affan de rester à son poste et de ne pas délaisser son poste. يقول نافع مولى ابن عمر دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة ابن الأخنس له صحبة رضي الله عنه وارضاه فقال انظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. ف فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: فإن لم تخلعا ليزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تخلع خميصا قمصكه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. وهو في فضائل الصحابة عند الإمام ابن حنبل بإسناد صحيح. Et Abdullah ibn Omar, il est rentré, comme nous le rapporte Nafi', le serviteur de Abdullah ibn Omar, dont les vertus des compagnons chez l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission qui est authentique, dit que Abdullah ibn Omar est rentré chez Uthman ibn Affan, et autour de lui il y avait le Mughira ibn al-Akhnas, qui avait une compagnie, c'est-à-dire une compagnie avec le messager alayhi salatu salam. Il y avait d'autres, et Uthman ibn Affan lui a dit: regarde ce que disent ces gens-là. Ils disent que je ne dois pas m'exposer à la mort et je dois délaisser la khilafa. Abdullah ibn Omar lui a dit: donc dans ces cas-là, si tu la délaisses, est-ce que tu vas être éternellement dans ce bas monde? Est-ce que tu vas vivre éternellement? Uthman ibn Affan lui a dit non. Et il lui a dit: est-ce que si tu t'enlèves de la khilafa, ils vont faire autre chose de plus? Et si tu t'enlèves pas de la khilafa, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de plus que te tuer? Il lui a dit non, donc ils feront pas plus que de me tuer. Et il lui a dit: est-ce que ils ont pour toi le paradis ou l'enfer? Ils peuvent pour toi le paradis ou l'enfer? Uthman ibn Affan lui a dit non. Regardez maintenant la clairvoyance d'Abdullah ibn Omar. Lui a dit: je vois qu'il faut que tu restes à ton poste, tu enlèves pas ce qamis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a habillé, parce que si tu le fais, ça va être une sunna. Chaque fois que les gens détestent leur gouverneur, ils vont le tuer. Radiyallahu an Omar wa an Abdullah ibn Omar wa an sa'ir sahabati rasulillah. ولذلك رأى عثمان رضي الله عنه أن الخير في الصبر والتبات وأن يبيع نفسه بصلاح دينه فجاد بنفسه لله. ولذلك لما حصر قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان رضي الله عنه وارضى، عسى الله أن يقمصك قميصا من بعدي، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. يقول له ذلك تلات. C'est pour ça, frère, Allah عز وجل que عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه a vu que le bien était dans le fait d'être ferme dans sa position et de patienter et d'endurer, et qu'il doit donner sa vie pour le bien de sa religion. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié, radiyallahu anhu wa arda, pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand on l'a assiégé. Les nobles compagnons lui dit: ô prince des croyants, tu veux pas qu'on combatte, on prenne les armes contre ces rebelles? Il leur a dit: non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit quelque chose, et je suis patient, et je patiente pour arriver à la chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a confiée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres, et le hadith est authentifié par Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala, a dit à Uthman: ou Uthman, Allah il va t'habiller un kamis après moi, si les hypocrites veulent que tu l'enlèves, ne l'enlève pas. Il lui a répété ceci trois fois, et Allah il va te mettre comme calife. Et si les hypocrites veulent que tu t'enlèves de la khilafa, tu t'enlèves pas. Il lui a répété ceci trois fois. يقول العلماء رحمهم الله وغفر لهم: وفي الحديث دلالة واضحة على أن هؤلاء الخوارج لم يكونوا طلاب عدل وحق، وإنما هم قوم مرضوا على النفاق، يستترون تحت شعار الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعرف في عصر من عصور الإسلام جماعة أو طائفة أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من المنافقين. Les hommes de science disent: dans ce hadith, il y a une preuve irréfutable, une preuve claire que ces khawarij ne cherchaient pas la justice et la vérité, mais c'était des gens qui baignaient dans l'hypocrisie. Partant du hadith que vous venez d'entendre chez l'imam Ahmed. si les hypocrites veulent t'enlever de la khilafa. Donc c'est des gens qui baignent dans l'hypocrisie et qui se cachent derrière les emblèmes de la réforme, du fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal. Et on ne connaît pas une époque parmi les époques islamiques qui sont passées, un groupe qui est plus dangereux pour l'islam et les musulmans que les hypocrites. Car ils le grignotent de l'intérieur, ils le détruisent de l'intérieur. واستمر الحصار الظالم من البغاة الظلمة ومنعوه عنه الماء ومنعوه من أن يصلي في المسجد النبوي وأشرف عثمان رضي الله عنه على الذين حصروه فقال لهم ولم تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل ذم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدنا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني رضي الله عنه وأرضاه والحديث صحيح إيه l'assiégement de la maison du Uthman ibn Affan est resté plusieurs jours. Les injustes, les rebelles ont interdit même à Uthman ibn Affan de l'eau. Ils lui ont interdit le fait de prier dans la mosquée du prophète alayhi salam. Et Uthman ibn Affan, souvent il se mettait sur la terrasse de la maison et il parlait à ceux qui assiégeaient sa maison. Il leur disait, pourquoi vous voulez me tuer alors que j'ai entendu le messager d'Allah dire, il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman sauf avec trois choses. Une mécréance après l'islam, c'est-à-dire que la personne apostasie, ou l'adultère après être protégé avec le mariage, ou le fait d'avoir tué quelqu'un sans droit. Par Allah, je n'ai pas commis d'adultère, ni dans la période pré-islamique, ni pendant l'islam. Et je n'aimerais pas changer ma religion après que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé. Et je n'ai tué personne. Pourquoi vous voulez me tuer? Et le hadith est authentique. وطالما كان عثمان بن عفان يطل على المحاصرين يخاطبهم ويذكرهم بمواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يلينون لكنهم لم يفعلوا combien de fois frère Allah عز وجل عثمان بن عفان s'est levé sur la terrasse de la maison et il a parlé aux rebelles et il leur citait ses positions avec le messager d'Allah pour qu'ils se radoucissent un petit peu mais ils étaient durs comme de la roc. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أو أحيط بداره أشرف على الناس فقال نشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتفض بنا حراء قالت بت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قالوا اللهم نعم قال نشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ معسرون مجهودون فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي إيه عثمان أبي عبد الرحمن السلمي أدي كنت لا يتأسيجي quand il a été assiégé par les rebelles, quand Uthman ibn Affan a été assiégé et sa maison était assiégée, s'est levé sur la terrasse de la maison et leur dit par Allah, est-ce que vous savez que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand la montagne, quand Hira a bougé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste tranquille Hira, sur toi il n'y a qu'un prophète ou un véridique ou un martyr. Ils lui ont dit par Allah, oui. Il leur a dit, je vous demande par Allah, est-ce que vous savez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour la bataille des temps de la difficulté, c'est-à-dire la bataille du Tabouk, il a dit, qui va faire une dépense qui sera acceptée? Et à cette époque, à ce moment-là, les gens étaient dans une grande difficulté. Et j'ai armé le tiers de cette armée par ma propre fortune. فقالوا اللهم نعم ثم قال نشدتكم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها إلا بثمن فابتعتها بمالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا اللهم نعم إيه Il leur a dit, par Allah, est-ce que vous saviez que le puits de Roma, la source de Roma, pour avoir de l'eau, il fallait payer, et je l'ai acheté par ma fortune, et j'ai fait que ce soit le riche et le pauvre puissent, et les voyageurs puissent prendre de l'eau gratuitement. Ils lui ont dit, certes, oui, ceci est rapporté aussi dans les vertus des compagnons. Donc, et le hadith est authentique. وقبيل مقتله رأى عثمان رضي الله عنه في المنام اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله. Et avant la mort de Uthman ibn Affan, il a vu que son terme et qu'il allait mourir, il s'est soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. روى الحاكم بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أصبح يحدث الناس قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال يا عثمان افطر عندنا فأصبح رضي الله عنه وأرضاه صائما وقتل من يومه رضي الله عنه وأرضاه رواه الحاكم وهو في فضائل الصحابة ابن حنبل بإسناد حسن Le Hakim avec une chaîne de transmission authentique qu'il remonte à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda que Uthman ibn Affan le matin de son assassinat était a vu le messager d'Allah dans la nuit. Il lui a dit oh Uthman, rompe ton jeûne chez nous. Et le lendemain matin, Uthman était en jeûne et ils l'ont assassiné le jour où il était en jeûne. Ceci est dans les Le livre de les vertus des compagnons du cheikh de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala il a et c'est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique. ويتسور الخوارج عليه داره وتتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة وهو يقرأ كتاب الله فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فما مات منهم رجل سويا والله ما اشترك أحد في قتل عثمان إلا ذمره الله فإن الله عز وجل لم يهمل الظالمين بل ذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ainsi les révoltés vont grimper les murs la muraille de la maison de Uthman ibn Affan et Le son de Uthman ibn Affan va se partager entre eux. Le son pur de Uthman ibn Affan va se partager entre eux. Alors qu'il était en train de lire le livre d'Allah Azza wa Jal, et la première goutte de son qui gicle va tomber sur le verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala va s'en occuper. Il est celui qui entend et celui qui sait. Personne parmi les révoltés et parmi ceux qui ont assassiné Uthman ibn Affan, n'est mort d'une mort normale. Par Allah, comme il est rapporté par les grands imams et dans les vertus des compagnons chez l'imam Ahmed, hein, tout un chacun qui a été associé à la mort de Uthman ibn Affan, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit. Car Allah subhanahu wa ta'ala laisse le temps aux injustes, mais quand il le prend, son châtiment est amer et sévère. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé des assassins de Uthman ibn Affan d'une vengeance qui n'a pas d'égal. Il est dit dans le verset, ainsi quand ton souverain châtie les habitants de la cité qui sont injustes, son châtiment est énorme. وبعد أن قتلوه قتلهم الله تبين للناس مقصدهم نادى بعضهم على بعض بعد قتله عثمان بالسطو على بيت المال فسمعهم خزنة البيت فقالوا يا قوم النجاة فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم قاموا لأجله وكذبوا إنما قصدهم الدنيا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية Et après l'avoir assassiné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il se doit, la situation est devenue claire chez les gens, que le but de ces gens-là n'est pas le changement et la réforme, parce qu'ils se sont appelés les uns à les autres après l'assassinat de Uthman ibn Affan, allez-y, comprends la maison, la trésorerie. Et les gardiens de la trésorerie, quand ils les ont entendus, ils ont dit « Ô peuple, sauvez-vous, car ces gens-là ne sont pas véridiques dans ce qu'ils ont dit. Quand ils ont dit qu'ils veulent accomplir la vérité, ordonner le bien et blâmer le mal, ben c'est pas pour ça qu'ils sont venus, c'est juste une prétention. Et ils sont des menteurs, leur but c'est ce bas monde. » Ceci est rapporté par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans « L'Bidaya ou Nihaya » qui est un recueil d'histoire. فهذا رجل يطوف حول الكعبة بعد مقتل عثمان من هؤلاء البغاة فيقول اللهم اغفر لي ولا أظن أنك تغفر لي فقال له رجل ما هذا الدعاء يا عبد الله فقال له لقد نذرت إن قدرت على عثمان أن ألطمه بيدي فلما قتل عثمان ودخل الناس يصلون عليه وهو على سريره فالتمست خلوة فكشفت على وجهه عن وجه عثمان بعد موته ولطمته على وجهه فيبست يدي أي شلت فهذا رجل شل الله يده لأنه لطم عثمان بعد موته فما ظنكم بمن سل سيفه وقتل عثمان. Et voici un homme qui faisait tawaf autour de la Kaaba après l'assassinat de Uthman. Il faisait partie de ces rebelles. Et il disait dans son dua, « Oh Allah, pardonne-moi et je ne crois pas que tu vas me pardonner. » Un homme, il a entendu son dua, il lui a dit au serviteur d'Allah, « C'est quoi ce dua ?» Il lui a dit, l'homme lui a dit, « J'ai fait un vœu, si je suis capable de donner des gifles à Uthman ibn Affan avec ma main, je le ferai. » Et quand on a Uthman ibn Affan a été assassiné, les gens sont rentrés pour prier sur lui. Ah, et quand il n'y avait plus personne autour de moi, j'ai dévoilé son visage et je l'ai giflé après sa mort. Je l'ai giflé après sa mort et ma main est devenue toute froide. C'est-à-dire il a été paralysé. Ça, c'est un homme dont la main a été paralysée par le fait d'avoir tout simplement donné des claques et des gifles à Uthman ibn Affan après sa mort. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont sorti leur épée de leur fourreau pour le tuer, pour l'assassiner injustement? Radiyallahu anhu wa ardah. Et nous avons terminé ce résumé autour de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.